ça qui est méchant. Ah ouais, tu veux. Maman. Y'a les gros c'est caca maintenant, tu veux. My girl, up and down. Mais c'est Lupin comme ma gueule, hein. On est dans les temps, dans les temps, dans les temps. Fais ça, girl, then up and down. Fais ça, my girl, up and down. Pas fait mon car ride on the just, soukwe bon down. En ouais, ça car, faut pas douter, tout ça bien que la nuit ça bord. On y ouvert, ça en 40 sans toquer, toc, toc, toc. La nuit pression, ça qui est mad, mad, mad, la nuit tol, tol, tol. Ça va, mes jours. Bon, chico, ek descend. On y cadeau, à qui café, on lui bien comme si c'était descend. Galou ni yon go fess foot sa chou mais bon ça pas embêtant. Faudrait pas n'pète hein. Foot sa belle. Les ou check en femme qui capable de trapper. Mal tête foot sa belle. Les ou savent que y pas vini pour trapper. Papel. Mais ça clé en pas vini là pour la déco. En mette copine ni si t'éco. Mette co en position et puis on y just. Fais ça my girl up and down. Papel manque à ride it on y just. Soukwe bon down. En ouais sa ka fon pas douter. Tout ça bien que la ni sa barre. On y ouvert, ça en 40 sans toquer toc toc toc. La nuit pression, ça qui est mad mad mad, la nuit tol tol tol. Ça va méchant. Tout vent fait sans méchant méchant. Bah on qu'il y a 200%. Fait bon d'ordre, monter, descendre gauche. Tout est en cabas, sa pression. L'homme est à tête, est en bas. Sa vibe et je pète un cap. Elle pense que je ne bonne pas coq. La red, il n'y a big bomba. Il n'y a big bomba. Mais qui s'est gardé là, Tibet? Madigoscale, ça c'est un appel de fête. Fais ça, my girl, up and down. Pas fait mon car, ride it on it just. Soukwe bon down. En ouais, ça car, faut pas douter. Tout ça bien que la nuit ça barre. On y ouvert, ça en 40 sans toquer, toc toc toc. La nuit pression, ça qui est mad mad mad. La nuit tol tol tol. Ça va, mes chaud.